remplissez votre annonce. Je m'appelle Serge. J'ai 35 ans. Je cherche plutôt une fille. J'aime être amoureux et j'ai de la chance. Cela m'arrive beaucoup. Je suis tombé en amour pour un nombre incohérent de filles dont j'aime croire qu'ils reflètent l'étendue de mon cœur. Je bois souvent, mais ne parviens pas à déclencher l'alarme. Plus j'avance en âge, moins je me déteste en dépit d'évidences factuelles qui devraient m'y encourager. J'aime contempler de vieilles photographies de moi, car alors je m'autorise à avoir été beau. Je n'ai jamais couché avec un garçon. Personne ne s'y est offert. Je ne sais pas si j'aimerais. J'aime dire que j'ai eu une enfance banale. Je me souviens pourtant, vers 3 ans, d'avoir été vandalisé, enfermé dans le noir par cette femme qui me gardait, me secouait, me forçait à goûter la gamelle du chien, dans la cuisine, à même le sol. Mais avec le recul, ce put être de bonne guerre, car ma mère souligne à plaisir que j'étais un petit garçon calme, mais serpent. J'aime être anarchiste pour faire peur. J'aime ne pas garder rancune à mes persécuteurs, quoique j'ai conscience que c'est moins vertu qu'amnésie. J'aime faire de l'humour, mais les gens se fâchent. Je choisis mal mes moments ou mes sujets. J'aime le projet de se suicider. J'y vois une œuvre vraiment digne d'admiration. Je pense beaucoup à mon père, mais je ne sais pas si je l'aime. Je ne lui téléphone jamais. Je n'aime pas cet emmêlement de mes pensées qui m'astreint toujours à chercher mes mots. Je n'aime pas que les filles que j'ai fréquentées m'aient trouvé d'abord mystérieux. Je fuis la compagnie encore que j'abomine rester seul. J'ai aimé partir à l'armée et dire « En cas de guerre, j'irai et je mourrai ». J'aime prendre des dispositions en vue de mon prochain suicide et laisser à ce sujet des consignes à un ami qui blêmit. J'ai aimé frapper à main nue certaines fois le visage d'autres hommes, ou femmes, plus rarement, mais avec plus de raison. Je n'aime pas mentir ou qu'on me mente, mais j'admets qu'il puisse arriver pire. Je dois être maudit, toutes les filles que j'ai eues avaient de petits seins, et naturellement j'aime les gros. Je n'aime pas bander à heure fixe ou inopportune, mais il y a des chimies qui nous dépassent. Lorsque je roule à moto, je vois en permanence des images où je me fous en l'air. Ça me déconcentre. Je suis tenté de fermer les yeux. Lorsque je fais l'amour, je ferme tout le temps les yeux. J'aime fixer les rencontres dans des endroits sordides. Je m'assure ce faisant de la fermeté de ses intentions si le rendez-vous vient. Je n'arrive pas à savoir si je m'aime mieux avec ou sans barbe. Plus l'alcool est léger, plus mon sommeil est lourd. Et j'aime le sommeil. Comme tout ce qui manque, je ne suis qu'exceptionnellement malade. J'ai l'évidente santé des êtres indésirables. Je ne respecte pas les morts de mort naturelle. Ils ne m'inspirent rien. J'aime les chiens s'ils ne lèchent pas. Les chats s'ils ne se frottent pas. Tout le contraire de ce que j'attends des filles. Je n'aime pas rentrer chez moi entre deux occupations. Sinon, je perds du temps et me masturbe. Je n'aime pas l'atmosphère des boîtes de nuit qui m'évoque le repli autistique. Je ne sais pas si enfant j'étais autiste, parfois je me dis que ça y ressemble. J'aime avoir une hygiène dentaire irréprochable. J'ai moins de scrupules pour le reste de l'anatomie. J'aime inventer des expressions ou des proverbes, puis les placer dans la bouche de proches. J'aime mon corps, mais j'ai le sentiment d'avoir été trahi. Je me suis suicidé une fois sans préparer à l'aide de médicaments. J'ai eu très peur. M'en suis sorti seul. Personne n'en a rien su. J'aime regarder les gens baiser. Un jour, derrière le guichet, une employée des postes m'a demandé si ça allait, puis de cesser de l'observer de façon étrange. Je l'ai admiré de dire ça. On s'ennuie prodigieusement avec moi au café ou au restaurant. C'est que j'aime mieux suivre les drames qui se nouent aux tables d'à côté. J'aime qu'une fille exprime quelques bruits si on fait l'amour, peu m'importe qu'elle mente. Je n'aime pas beaucoup les riches, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Je n'aime pas la pluie. Mais un léger crachin me ravit, le soleil me désole. Je n'ai pas d'avis sur la neige. J'entretiens une mésentente décisive avec les gens qui parlent en hurlant ou trop longtemps. J'aime causer des heures, si je suis saoul, et que j'ai envie de dormir auprès d'une fille. J'aime les blondes. Je ne déteste pas les brunes. Une rousse ou une noire fait de moi ce qu'elle veut. J'aime contempler en silence les barmanes laver la vaisselle dans les bars de nuit tristes. Je viens de découvrir la splendeur des prostituées asiatiques qui hantent le boulevard à 2 pas d'où je vis. Et je sens déjà que je les aime. J'aime croire qu'un jour, je ferai des enfants et deviner leur nom magnifique. J'aime les armes, et j'en possède. L'une est chargée, toujours à portée de main, pour le jour où je me sentirai vraiment fichu. En vieillissant, j'admets qu'il y ait quelques personnes qui m'aiment, mais leur mobile demeure ténu. Je ne suis pas forcément pour les histoires d'un soir. Je souhaiterais te parler plus à fond de l'abîme de ma vie.